Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous avions parlé donc de la mort de Grimoald et de son fils illégitime Childebert III en 662, mort finalement un peu légendaire, puisque en réalité, la réalité est que Grimoald est mort en 657, assassiné éventuellement par son beau-père, là où encore les sources ne sont pas tout à fait sûres, et Childebert III. Serait mort en 662, en effet, assassiné. Alors, pourquoi Childebert III a été assassiné par les partisans de Clovis II? Difficile de trancher. Est-ce pour rétablir la pureté du sang royal? Mais à l'époque, les Francs ne remettent pas en cause la légitimité de Childebert III. Ils le considèrent comme un vrai fils de Sigebert III. Ce sont les chroniqueurs ultérieurs qui le dépeignent comme un faux mérovingien. Est-ce que c'est pour prendre le contrôle de l'Austrasie en y mettant son deuxième fils, Childéric? Mais cette annexion territoriale est trop grossière, et Clovis II doit être au courant de l'existence de ce fameux Dagobert, dont la tonsure n'implique pas forcément qu'il ait renoncé à toute prétention au trône. Alors, il est probable de voir déjà en œuvre la politique très pro-neustrienne, mais très agressivement pro-neustrienne, de ce fameux maire du palais, ce noble franc, Ébroin, qui s'inquiète de la montée en puissance de l'Austrasie. Mais la politique à cette époque n'est pas qu'une affaire d'hommes. Comme nous l'avons vu avec Brunehaut, Frédégonde, Nantilde, les femmes peuvent jouer un rôle très important, pour le meilleur comme pour le pire. Le règne de l'humble et pieux Clovis II sera donc illuminé par une présence féminine hors du commun, celle de Berthilde. Sa vie est un mystère, du moins à ses débuts. Les chroniqueurs tenteront de comprendre comment une personne d'une origine si humble, si obscure, ait pu devenir une reine aussi prestigieuse. À l'époque où la jeune Berthilde arrive en France, le royaume franc entretient d'excellentes relations avec le royaume du Kent, gouverné par une famille danoise originaire du Jutland. La raison, c'est le premier royaume barbare de Grande-Bretagne à s'être déclaré officiellement chrétien. La forte présence de Bretons christianisés, puis l'étroite relation entretenue depuis les débuts de ce jeune royaume avec le Regnum Francorum, c'est-à-dire peut-être depuis la fin du 5e siècle, y est sûrement pour quelque chose. Les rois du Kent ont l'ambition de convertir toute l'île de Grande-Bretagne par une conquête territoriale déterminante sur leurs voisins saxons et angles, les royaumes de Sussex et de Wessex. Ils reçoivent dans cette entreprise l'aide des Francs. Clotaire II donne sa fille Emma en mariage au roi du Kent au début du 7e siècle. Des délégations d'ambassades ad hoc sont envoyées régulièrement entre les deux royaumes, auquel Archambault, avant même d'être maire du palais, a dû participer. C'est à cette occasion qu'il aura rencontré Berthilde. Alors qu'il aurait été en voyage dans le Kent, il aurait acheté une jeune esclave saxonne capturée lors de ces interminables guerres que se livrent donc le royaume de Kent et les royaumes saxons. Alors cette version est un peu anachronique, puisqu'elle suppose que Archambault aurait profité d'un voyage dans le Kent pour s'acheter une esclave, sous-entendu on ne vend pas d'esclaves sur le sol franc. Or cette interdiction de vendre des esclaves sur le sol franc va s'imposer progressivement à partir de la deuxième moitié du 7e siècle. Il est peu probable qu'Archambault ait acheté cette esclave saxonne dans un port du Regnum Francorum, peut-être Nantes, dont l'activité portuaire est importante à cette époque. À l'époque de Dagobert et de Clovis II, existent malheureusement de nombreux marchés aux esclaves. Berthilde arrivera enfant dans la maison d'Archambault et elle sera affectée à son service personnel. L'auteur de Vita, version A, c'est-à-dire la première hagiographie de Berthilde, affirme qu'elle l'avait entre autres comme mission d'apporter un verre d'eau au maire du palais le soir dans sa chambre.